tout permet une coopération réelle, confiante. Mais le plus souvent, quand on voit un Africain venir à Paris ou aller à Londres ou aller en Allemagne, tout de suite, le commun des mortels dit « Voilà, il est venu chercher de l'argent. » La réalité est tout autre. Nous sommes en train de jeter la base d'une coopération qui profitera à terme aux Européens comme aux Africains. Aujourd'hui, vous avez la matière grise et nous, nous avons la matière première. On doit pouvoir s'entraider. Ce que nous demandons à l'Europe, c'est un peu plus d'hardiesse, plus de vigilance, plus de volonté politique dans la réalisation de ce que nous convenons d'appeler un grand, à terme, un grand marché rassemblant des millions de millions d'hommes avec des ressources importantes. En janvier 1977, Léopold Sédar Senghor est à Paris pour l'inauguration du centre Georges Pompidou. Il est à cette occasion l'invité de France Inter.